Alfamille! Je laisse les dash et toutes les craries, les flashs, les PC dash, la thune de Paris. Laisse-moi la basse, je nous DMC pour les mecs de ma race, ma catégorie, ma clique, je déplace, dépasse, crâle euphorie. Ça bave à la source qui paraît-il est tari. Mais j'ai fait mes classes, l'ami, dans le vinyle, laisser des traces à vie. Aussi vrai que mille villes entendront Alfami. Alfami, te mets la zermi. On fait notre place dans le rap et y'a pas de Tommy. J'kick ta mal pédale, le son est bien bon. Haute source à la prod, on se casse au panthéon. J'suis trop sympa, pisse en strass et paillettes. Tu fais du rap, tu déchires, mais j'te fais ta fête. Arrête ta flûte, MC, ici y'a pas de quinri. C'est Val d'œuf sur la carte, banlieue est de Paris. Lipka! J'suis le cramé du bled en pièce entière, le squat les plus faibles. J'vois déjà que tu sèles tes demain, j'roule le crame, t'es nat et t'es dread. Ton destin est scellé, et cela quoi que tu plaides. Chaque pièce de mon index, ma nettoie, c'est fait, c'est qui sera pas de plus crête. Sur ton empire, mon regard s'abat, merde les cadavres là, ta putain meurs soit, mais pas ta crève là-bas. On max ça, notre nom, j'te laisse les plaies. Fini la com' comme vite à sa mensonge. J'vais te sécher, yes. On fout la caille au chromie, Alfami pour l'introduction. Verbal agression, un putain de crew qui fout la pression. De quoi se poser des questions, rien que du faux pour tête d'affiche. Pseudo artiste en quête d'artiche, on triche pas, me fiche pas mal du chiffre et des groupies. Mon kiff sera kické sur des beats crades. Ton style est pourri, vaut pas un roupie. Rappeur en sursis, prédestiné à faire un beat grave.